Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. On va parler de jeux vidéo. C'est la chronique jeux vidéo avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com. René qui a un peu moins de temps cette année. Évidemment, il ne fait pas juste les jeux de sport, mais il fait plusieurs critiques de jeux. Puis à l'automne, c'est beaucoup les sorties de jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, on va parler des NHL 2019 avec notre ami René Cadieux. Salut René. Salut. René, NHL 2019 qui est sorti environ le 11 décembre, pas le 11 décembre, le 11 septembre, ça fait un petit peu plus de bonheur. Moi, je dis, il est acheté, mais j'ai pas joué, il n'est pas débouché parce que ma console était brisée, et là, je l'ai eu cette semaine, donc je vais probablement jouer cette semaine. Donc, comment que ça va, NHL? Je sais que j'ai vu sur la boîte qu'il y a des matchs en plein air, ça va être une nouveauté cette année, hein? Oui, ben c'est ça. Une des grosses nouveautés, c'est les matchs plein air, les 1 contre 1, que tu peux faire contre le monde sur Internet ou que tu peux faire aussi, si on veut, toi seul, tu vas prendre un joueur ou avec des amis à la maison, tu vas affronter, mettons, l'équipe de Luongo. C'est des genres de défis. Ceux qui ont joué il y a quelques années, il y avait des moments of the NHL, il y a 2-3 ans, il y avait ça, mais c'est sensiblement comme ça. Ben, tu joues en plein air contre, mettons, l'équipe de Luongo, l'équipe de Crosby, l'équipe de McDavid. Puis, tu vas affronter des équipes qui ont eux autres, c'est des joueurs qui jouent un peu partout. Okay. Ils sont bien, mettons, en dessous d'hiver avec des fois un petit logo, des fois ils ont des couleurs, ils sont aux couleurs de l'équipe. Puis, ils affrontent même dans des petits matchs. Puis, tu gagnes le premier rendu à 5 buts. Je pense que ça dépend des affaires parce qu'il y a plusieurs modes que tu peux mettre. Mais c'est ça, en gros, grosso modo, c'est le premier rendu à 5 buts. Fait que des fois c'est difficile, des fois les 5 buts sont facilement. Et plus tu vas avancer, plus tu vas affronter, changer de catégorie, comme mettons arriver où tu peux affronter des légendes comme dans les Olympiques à faire là. Ça, c'est les derniers plateaux, mais t'as des défis, t'as des trucs à remplir pour arriver là, puis cumuler des étoiles. Comme je dis, oui, ça reste la nouveauté, comme je dis, parce qu'on se fait affronter le monde dehors dans des matchs. Un contre un, t'as mettons toi, un autre joueur, deux autres joueurs en ligne, puis affronte un gardien dehors, c'est celle qui marque le plus de buts dans le temps imparti. C'est la grosse nouveauté. Sinon, ils ont fait des nouveautés aussi au niveau des joueurs, là, l'animation des joueurs. Fait que les joueurs ont l'air plus à contrôler plus la puck, plus ont l'air plus réalistes dans leurs mouvements. Oui, ça entraîne beaucoup plus de finition, mais ça, c'est une adaptation. Depuis le 13 septembre, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Il y a moins de finition juste parce que tu bouges ton bâton, puis oups, ils s'enfargent dedans. Les gars sont un peu moins de notre si on veut. Mais dans le début, dans le coin du 13 septembre, c'était l'enfer. Là, tu bougeais à peine le bâton, ouf, s'il s'enfargeait, punition, parce que tu ramassais ton match avec une quinzaine de punitions à la fin. Ça fait mal. Ils ont amélioré aussi le gardien qui laisse rentrer moins de cochonneries. Si on veut, c'est les buts poubelles qui appellent le début. Tu as tout le temps le même mouvement, tu arrives de là, tu fais tirer et se marquer, puis ils ont amélioré ça. Les gardiens en accordent moins. Ils en accordent encore, mais un petit peu moins. Fait que, t'sais, grosso modo, ils ont amélioré l'expérience de jeu. Ils ont encore des lacunes au niveau de... T'sais, les coachs Julien, ils ont pas sa face, ça ressemble pas, puis ainsi de suite pour Calam, tout ça, c'est comme... Ça aurait été la moindre des choses de travailler là-dessus, parce que les coachs, c'est la deuxième chose que tu vois quand t'arrives, mais encore là, les joueurs ont des casques, tu reconnais les gros, donc peut-être qu'ils se disent, bon, ben on les voit moins, puis c'est... Mais t'sais, quand tu joues à Madden, le coach a sa face, puis t'es là, fait que c'est le côté plate de NHL, mais au moins, cette année aussi, ils ont intégré un peu de français. C'est pas dans la description d'un match, mais dans la description, mettons, quand tu joues justement les 1 contre 1 ou des affaires en ligne, tu peux dire quelques phrases en français, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a 5-6, mais c'est quand même plaisant de pouvoir dire au moins ils ont intégré un peu de français. Puis c'est pas du français de France, c'est du québécois, là, puis, OK. Au moins ça. Fait que c'est un petit plus, mais sinon, grosso modo, ils ont pas trop amélioré la foule, tout ça reste ça, c'est simplement pareil, ça a besoin de travail. Mais au niveau gameplay, au niveau de jouabilité, le jeu a pris en... C'est une bonne année pour le jeu. Ceux qui y avaient passé l'année passée, parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez, ben cette année, il vaut la peine d'être acheté comparativement à l'année passée. Là, il est plus fun, comme dit, il est plus réaliste sur certains points, et on a plus de plaisir à y jouer. OK. Mais ça, à un moment donné, tu te souviens que tu dois plus avoir d'idées ben, là. Tu dis la grosse idée, c'est de jouer dehors avec des équipes, puis tu dois plus avoir ben d'idées à un moment donné. Là. Ben, je te dirais ce qu'ils manquent, qu'ils répondent jamais oui ou non, puis on sait pas s'ils n'ont pas l'argent. C'est quand ils demandent, ils vous mettent un mode histoire comme Madden, comme NBA, comme ci, comme ça. Puis, tu sais, pourtant, le NBA, le jeu NBA, c'est un des plus mauvais jeux de basketball. Cette année, j'ai pas eu la chance d'y toucher, je sais pas s'il s'est amélioré, mais habituellement, le jeu NBA Live est tout le temps une coche en dessous des autres. Puis, ils ont un mode histoire. Fait que, pourquoi pas un mode histoire dans la NHL? C'est ouais, c'est de passer, mettons, une recrue qui avance, puis ils sont capables de faire quoi quand même qu'il y a du potentiel. Pourquoi ils sont pas capables de le faire dans NHL? Dans Madden, c'est le mode histoire est comme le fun. Dans FIFA, le mode histoire est le fun. Fait, pourquoi pas dans ça? T'sais, oui, on y améliore le jeu de cartes, les affaires de même, mais parce que c'est là que le monde va payer de la vraie argent pour tout ça. Mais ça serait quand même le fun d'avoir. Puis tu sais, ceux qui sont vite, je sais pas si le rabais est un jeu encore là, mais chez Walmart, je peux pas vendre de compagnie, mais le jeu est à 49,99 présentement. Ah oui? Fait que ça vaut à peine si vous l'avez pas. Ouais, lui, Madden 19, puis c'est Tomb Raider, là, mais les trois jeux sont bien 59,99. Je sais pas si la période finit en fin de semaine ou elle va jusqu'à l'Halloween, là, mais je me rappelle plus les dates exactes. Vous pouvez toujours regarder sur Facebook le roi du deal, là, c'est un collègue à nous qui lui il s'occupe de vraiment checker tous les deals, puis tous les bons rabais, des fois, il est à l'affût de tout ce qu'il y a. Mais justement, c'est lui qui nous a trouvé ce deal-là, puis ça vaut la peine d'acheter une échelle à 49,99 parce qu'à ce prix-là, vous êtes plus que gagnant, parce que même à 79,99, le jeu valait la peine. Fait que à ce prix-là, dépêchez-vous. Je pense aussi qu'il est en ligne, mais ça, je peux pas le garantir. Tu vois, là, justement. Tu vois, actuellement, je suis sur le site, c'est sûr que c'est pas très achat local, là, mais quand même, moi je les jette ici à Dolbeau, là, à Dolbeau Mississini, à la petite boutique. Sauf que ça m'arrive de temps en temps quand il l'a pas en magasin que je vais sur Amazon. Puis je l'achète sur Amazon. Au moins, on sauve les taxes. Et c'est $75 actuellement. Non, c'est ça pour ça que je dis sur le Walmart, il va à peine. Puis si vous jouez avec une PlayStation, ben, on paye pas les taxes sur PlayStation. Fait que c'est une autre option justement pour aller le chercher à bas prix. Là, on sauve les taxes. Puis. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui a marqué, mais je sais pas si c'est celui-là ou Tomb Raider, parce qu'il y a plusieurs jeux qui ont passé qui étaient justement à 49,99 sur leur store. Je peux pas garantir c'est lequel, mais je l'ai vu. Fait, okay. Je vais regarder. Mais le jeu, c'est côté expérience, côté visuel, il en vaut la chandelle pareil. Quand on joue, comme je te disais tantôt, le mode solo à l'extérieur, on gagne des morceaux de vêtements, des uniformes, on débloque des affaires, on débloque des sacs qui nous donnent des morceaux qu'on peut utiliser par après. On peut utiliser ça pendant la saison dans le mode... carrière. Fait que plusieurs modes sont de retour. T'sais, la plupart des modes qu'on avait du fun sont là, mais comme je vous dis, c'est une expérience rehaussée. Hein. On n'a pas été vraiment plus généreux que l'année passée. Il y a donné encore un 8 sur 10 parce qu'on trouve que niveau, comme je te dis, niveau en crémage, si on veut, serait rendu à travailler ça. Parce que comme tu dis, il n'y a plus grand-chose à mettre. Oui, il m'a dit tout le temps l'expérience hockey, mais il y a tout le temps des petites lacunes qu'on dirait qu'il ne travaille pas. Puis au niveau visuel, au niveau de mettre de la crème sur les gâteaux, il en manque. Ils sont rendus là, c'est ce qu'ils devraient nous offrir, comme tu dis, un mode histoire un peu. Des coachs qui se ressemblent, des amphithéâtres, ça, c'est pas si pire, parce qu'on le voit pas bien, mais tu sais, des trucs comme ça, améliorer un peu l'expérience visuelle, l'expérience sonore en mettant justement demandant à McGuire puis à Danny Dubé ou à peu importe c'est qui. Les amis, il y a même ceux de Vasport que j'écoute pas vraiment, je peux pas vous nommer les noms, mais c'est. Eux autres aussi pourraient faire un job quand même acceptable pour jouer au jeu, puis ça serait agréable d'entendre au moins quelqu'un le jeu en français, si on veut. Ils le font avec le FIFA, avec, c'est sûr que si on me dit FIFA est beaucoup plus, il amène beaucoup plus d'argent, oui, mais ça serait le fun quand même, justement, qu'on donne une expérience un petit peu plus aux échelles. C'est ce qu'on dit quand on dit il manque, c'est l'enfant pauvre du e-sport, même le basketball, des fois, il y a des meilleurs, tu sais, à part que, comme dit, l'expérience est plate, à jouer, mais au niveau visuel, niveau gameplay, on dirait que c'est plus facile offrir de quoi de qualité avec le jeu de NBA qu'avec le hockey. Pourtant, le hockey, c'est en Amérique du Nord, il doit se vendre quand même pas loin du Madden. Jamais je croirais que on n'a pas les chiffres parce qu'ils donnent jamais vraiment avant la fin de l'année, mais c'est le côté plate. Ça, c'est le fun qui nous donne de quoi qu'il y a de l'allure. Donc, tu vois, là, sur le Walmart, effectivement, il est à 49,99 actuellement. Ça vaut la peine de l'acheter. Donc, c'est ce que je te dis là actuellement. Donc, 8 sur 10 sur NHL. 2018. Hey, Renaud, René, pendant que je t'ai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique, tu sais, là, il y a des rumeurs qui circulent que la NCA, c'est pas confirmé encore que la NCA va revenir finalement dans les jeux vidéo. Moi, je veux te parler, apparemment que tu peux acheter au pire garder le PS, le jeu vidéo NCAA 2014, puis sur Internet, il y a toujours des gens qui font les line-up, qui mettent les line-up à jour. Est-ce que c'est ça? Tu connais, c'est ça? J'ai entendu parler de ça, je l'ai pas essayé personnellement. Mais tu sais, faut que tu aies rentré des trucs dans ta machine aussi, des choses à télécharger. Je présume que tu vas le télécharger sur une clé USB, tu la rentres après dedans, puis tu as des choses à jour. Ça se fait beaucoup sur des jeux PC, on voit ça souvent. Il y en a qui gardent, mettons, un jeu PC qui vont adapter un peu tout aux couleurs de ce qu'ils aiment, là, des équipes qu'ils aiment ou des équipes locales, des affaires de même. Mais ça arrive aussi au niveau de certains jeux, admettons, console. Mais tu sais, console, c'est plus touché parce qu'on se dit, il faut que tu ailles chercher un fichier sur ton ordi que tu mets dans ta console. Puis là, récemment, il y avait un virus d'une demande d'amis qui t'a demandé. Okay. C'est des côtés, c'est un risque à prendre. Oui, ça. Il y en a qui vont peut-être l'apprendre, peut-être ça vaut à peine, mais encore là, c'est tant qu'à ça, rejouer un autre vieux NCA, l'expérience était quand même intéressante. Oh ouais, c'était très plaisant. C'était des numéros, hein. En temps normal, c'est des numéros, fait qu'au moins vous avez le... Non, mais c'est pas ça. On reconnaissait les joueurs, par contre. Il n'y avait pas de nom, là, mais on savait très bien que c'était les noms, c'était les numéros, c'était bel et bien ça, donc c'était juste... on avait contourné, mais c'est pas encore confirmé, mais ça manque vraiment, vraiment, vraiment... NCAA dans la collection des jeux vidéo. René, ça fait pas mal de tour pour cette semaine. Quand tu vas avoir une minute, on va faire le FIFA maintenant. Ouais, le FIFA, puis j'ai aussi eu la chance de jouer à la lutte, le WWE 2K19. Là, j'ai aussi eu la chance de mettre la main là-dessus, fait qu'on se reparlera d'une prochaine, prochaine entrevue. Dis-moi, est-ce qu'il y a un World Tour tennis, parce qu'il y a un jeu de tennis maintenant sur le marché, là. Est-ce que tu as eu... Il y en a deux. Ouais, est-ce que tu as eu la chance de jouer? Est-ce que tu as détesté? Non, c'est un collègue qui a touché vaguement parce qu'il l'a acheté et il était déçu. Il m'a dit, bof, vite-le, c'est une chance. Puis la réponse de l'éditeur, il voulait pas trop la donner. C'est comme il est un petit éditeur, ça leur tentait pas vraiment d'en donner. Là, il y avait des copies plus ciblées, mettons, site américain, site européen. Fait que... Ils n'ont pas voulu en donner à nous. Il n'y a pas grand site québécois, si on veut, qui ont réussi à avoir un club de ça. Là. Je ne sais même pas s'il y en a eu. Mais c'est l'expérience que j'ai entendu du monde qui l'avait acheté. Les joueurs, ils ont l'air d'avoir apprécié ça. Puis certains collègues ont dit que c'était pas la meilleure expérience à avoir, mais que c'était plaisant pareil. Là. Fait que ça reste un jeu à avoir et à essayer. Là, sur Amazon, il est en spécial justement 49,99. Puis tu sais, du tennis, ça reste du tennis. Là. C'est du frappage de balle. Peut-être à ce prix-là, il vaut la peine, mais ça, c'est comme je te dis, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça, c'est un t'aimes ou t'aimes pas. Puis dans ce temps-là, il y avait eu Mario Tennis qui était sorti, puis il y en avait bien qui avait aimé ça. Il aimait le côté arcade, puis qu'il était quand même complet. Fait que c'est le monde se sont garochés sur Mario Tennis. Mais tu sais, côté expérience, oui, ça doit être une expérience quand même plaisante. Effectivement. De tennis, mais j'ai pas eu la chance. Je suis maqué à 50$, ça vaut peut-être la peine de prendre le GIF. Oui, effectivement. Donc, René, on se reparle la semaine prochaine. Donc, on invite les gens à aller lire tes critiques sur le site game-focus.com. Allez, merci.